Moi, j'avais 8 ans. Ou peut-être 9. Mais pas beaucoup plus. Je sais que j'étais pas encore en CM2 parce que c'était l'année où on n'écoutait Camp Rock et High School Musical sur un MP3. Je m'en suis rappelée aujourd'hui, ce souvenir. Je l'avais jamais vraiment oublié, mais il m'avait jamais autant frappée d'absurdité. On était à la cantine. Et avec mes copines, on parlait de notre poids. Elles pesaient toutes entre 34 et 36 kilos. Et moi, j'en pesais au moins 39, voire 40. Et j'avais honte. J'avais honte de ces 4 pauvres kilos de merde, en plus. Donc, j'ai prétendu que je m'étais pas pesée depuis longtemps, que je savais pas. J'avais 8 ans et demi, et j'étais déjà en train d'esquiver de parler de mon poids. Pour 4 kilos. À 8 ans et demi. Mais à 8 ans et demi, tu devrais pas être en train de penser à ça. Tu devrais être en train de rêver d'aller jouer au parc après les cours ou de faire du roller sur du boulevard ou. Enfin, je sais pas, c'est pas ce que t'es censé penser à 8 ans et demi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que si moi je croise une petite fille dans la rue demain, c'est ce que instinctivement je me dis. Qu'elle pense à aller jouer au parc. Moi, je la vois toute innocente. Mais peut-être qu'elle l'est plus totalement. Si ça se trouve, elle complexe déjà d'avoir des bâtons à la place des jambes ou d'être bien en chair, comme on dit. Moi, je sais que j'y pensais déjà beaucoup à 8 ans et demi. Je me souviens que je me faufilais dans les toilettes des amis de mes parents, qui eux avaient une balance digitale, que je regardais fatidiquement le chiffre s'approcher des 40. Et après, je me rassurais, je me disais que c'est parce que j'avais mangé beaucoup, que demain je mangerais moins. À 8 ans et demi. Et toi? C'est quand la première fois que t'as commenté ton poids?